Chapitre 10e. Le lendemain même, Newman se rendit rue de l'université. « Madame de Saint-Tré est chez elle, » lui dit le domestique, qui, comme précédemment, le menant par le grand escalier jusqu'au second étage, l'introduisit dans le boudoir où il avait déjà été reçu. « Madame la comtesse vient dans un instant. » Le domestique sortira. Newman attendit, non sans un certain battement de cœur. Bellegarde avait-il vu sa sœur depuis la veille au soir, et lui avait-il fait part de leur conversation? En ce cas, n'était-ce pas un encouragement de la part de Madame de Saint-Tré de le recevoir? Et si elle était instruite de sa profonde admiration et de ses projets d'avenir, quel accueil lui réservait-elle? Qu'allait-il lire dans ses beaux yeux? À coup sûr, ni ironie, ni mépris. Ah, si elle pouvait se douter de ce qu'il y avait au fond de son cœur de bienveillance et de bonne disposition pour elle. Elle entra enfin, après l'avoir fait attendre si longtemps qu'il se demanda s'il avait hésité. Elle lui tendit la main avec un sourire aussi cordial que d'habitude, et fixant sur lui son regard lumineux et doux, lui dit, sans le moindre tremblement dans la voix, combien elle était heureuse de le voir. « Et moi, de vous trouver seule, » répondit-il. « C'est une chance que je n'ai pas encore eue, vous savez. »« Vous m'aviez cependant semblé très satisfait de votre chance, » dit Madame de Saint-Tré. « Vous regardiez mes visiteurs d'un air de paisible amusement. Que pensiez-vous de... »« Oh, j'ai trouvé les dames très élégantes et très gracieuses, promptes à la répartie. Mais ce que je pensais surtout, c'est que je ne vous en admirais que davantage. » Cela, de la part de Newman, n'était pas de la galanterie, art qu'il ignorait absolument, mais de l'instinct d'homme pratique, sachant ce qu'il veut et résolu à l'obtenir. Madame de Saint-Tré tressaillit légèrement et fronça les sourcils. Évidemment, elle ne s'attendait pas à pareil compliment. « Oh, dans ce cas, » fit-elle en riant, « il est malheureux que vous me trouviez seule. J'espère qu'on va bien vite venir interrompre notre tête-à-tête. J'espère que non. J'ai quelque chose de particulier à vous dire. Avez-vous vu votre frère ? Oui, il y a une heure. Vous a-t-il dit qu'il a passé la soirée d'hier avec moi ? Il me l'a dit. Et vous a-t-il répété notre conversation ? » Madame de Saint-Tré hésita un instant. Aux dernières paroles de Newman, elle était devenue toute pâle, comme si elle eût redouté le tour qu'allait prendre cette conversation, tout en la jugeant nécessaire. « L'aviez-vous chargé d'une commission pour moi ? » demanda-t-elle. « Ce n'était pas précisément une commission, je l'avais prié de me rendre un service. »« Le service consistait à me faire votre éloge, n'est-ce pas ? » continua la comtesse en souriant, s'enhardissant peu à peu. « Oui, c'est bien cela, pas autre chose. Et l'a-t-il fait, mon éloge ? » ?»« Il m'a parlé de vous en très bons termes. Mais quand j'ai su... que c'était à votre requête, j'ai dû, naturellement, assaisonner l'éloge d'un grain de sel. « Oh, peu importe, » dit Newman. « Votre frère n'aurait pas dit de moi du bien qu'il ne pensait pas. Il est trop honnête homme pour cela. « Êtes-vous très profond et cherchez-vous à me plaire en me vantant mon frère ? Le moyen serait bon, je l'avoue. Tous les moyens de réussir me seront bons. Si cela doit vous plaire, je ferai l'éloge de votre frère du matin au soir. C'est un noble jeune homme. » Et j'ai senti, quand il m'a promis de m'aider de son mieux, que je pouvais me fier à lui. N'y comptez pas trop, cependant. Ce qu'il pourra faire pour vous est bien peu de choses. Naturellement, je ne dois compter que sur moi, je le sais, et ne demande qu'une occasion d'être mis à l'épreuve. En consentant à me recevoir, après ce que votre frère vous a répété, vous semblez me fournir cette occasion. Si je vous reçois, dit lentement et gravement Madame de Saint-Tré, c'est que je l'ai promis à Valentin. « Béni soit votre frère, alors !» s'écria Newman. « Voici ce que je lui ai dit hier. J'admire votre sœur plus que toutes les femmes que j'ai jamais vues. Et ma seule ambition est qu'elle veuille bien m'accepter pour mari. » Il prononça ces paroles distinctement, fortement, sans la moindre trace d'embarras. Plein de son idée, maître de sa pensée, il s'adressait à Madame de Saint-Tré, si élégante et si belle, avec sa conscience honnête et pure. Il est probable que ce ton et cette attitude étaient les meilleurs qu'il put prendre pour réussir à la toucher. Cependant, le sourire, le faible sourire contraint, jusqu'alors errant sur ses lèvres, s'évanouit tout à coup et elle le regardait avec un visage aussi solennel qu'un masque tragique. Il y avait évidemment quelque chose de très pénible pour elle dans l'épreuve qu'il la forçait de subir. Et cependant, ses yeux ne trahissaient aucune colère. Newman se demandait s'il l'avait blessée, sans parvenir à comprendre en quoi son dévouement et son admiration pouvaient lui être désagréables. Il se leva et se tint devant elle, une main appuyée sur le manteau de la cheminée. « Pour oser vous parler ainsi, dit-il, je ne vous connais pas assez, je le sais. Je vous ai vu si peu, que mon langage vous paraît peut-être irrespectueux. Ah, n'ayez pas cette pensée. Cet hommage que je viens de vous rendre, il était sur mes lèvres la première fois même que je vous vis. Oui, en vérité, ce jour-là, je vous connaissais déjà, je vous avais déjà vu en imagination, et vous m'êtes apparu comme une amie qu'on retrouve. Ne prenez pas mes paroles pour un compliment, une galanterie ou une sottise. Je ne sais pas dire ces choses-là, et je saurais les dire que je ne le voudrais pas. La demande est sérieuse et réfléchie. Vous répondez exactement à l'idéal que je cherche, si ce n'est que vous êtes encore plus parfaite. Je ne vous ferai ni protestation ni serment, mais vous pouvez avoir foi en moi. Il est bientôt pour vous dire tout cela, je le reconnais. Vous vous en offenserez peut-être, et cependant, pourquoi ne pas gagner du temps quand on le peut? S'il vous faut du temps pour réfléchir, et il vous en faudra naturellement, plus tôt vous commencerez, mieux cela vaudra pour moi. J'ignore ce que vous penserez de moi, mais je n'ai pas grand mystère à expliquer. Vous voyez qui je suis. Votre frère m'a fait craindre que mes antécédents et mes occupations ne soient un obstacle à une réponse favorable de votre part. Il m'a dit que votre famille occupait dans le monde un rang plus élevé que le mien. Je ne comprends ni n'accepte cette idée. Que vous importe, après tout? Je puis vous assurer qu'il y a en moi l'étoffe d'un homme supérieur et que, si je veux m'en donner la peine, je puis rapidement arranger les choses de façon à n'avoir plus besoin d'expliquer qui je suis et d'où je sors. C'est à vous de décider si je vous plais ou non. Vous me voyez tel que je suis. Je crois, honnêtement, n'avoir ni vice caché ni faux dehors. Je suis bon. Tout ce qu'un honnête homme peut donner à une femme, je le donnerai. Un jour, si vous le permettez, j'entrerai dans plus de détails. Si vous tenez à briller, eh bien, tout le luxe que donne l'argent, vous l'aurez. Quant à ce que vous abandonnerez pour moi, ne vous hâtez pas trop de croire qu'on ne saura le remplacer. Laissez-moi faire, et je comprendrai ce qu'il vous faudra. L'adresse et l'énergie font des miracles, et je suis fort et adroit. Ayez confiance. J'ai dit maintenant ce que j'avais sur le cœur, et je pense que c'est mieux ainsi. Je serai véritablement peiné si mes paroles vous ont déplu. Mais n'êtes-vous pas d'avis qu'il est préférable de s'expliquer franchement? Ne me répondez pas encore. Pensez-y longuement, aussi longuement que vous le croirez nécessaire. Je n'ai pas besoin d'ajouter, n'est-ce pas, que je ne vous ai pas exprimé la moitié de ce que je ressens, surtout d'admiration pour vous. Ce serait impossible. Mais ayez de moi une opinion favorable, ce ne sera que justice. Pendant ce discours, le plus long que Newman eût jamais fait, Madame de Saint-Tré n'avait cessé de tenir ses yeux fixés sur lui, étonnée, comme fascinée. Quand il se tut, elle détourna légèrement la tête et regarda quelques moments droit devant elle, profondément pensive, puis, avec une lenteur solennelle, le corps agité d'un tremblement presque imperceptible, elle se leva. Elle semblait toujours extrêmement sérieuse. « Je vous suis très obligée de votre offre, » dit-elle. Et malgré l'étrangeté de votre demande, il est bon que vous ayez parlé sans attendre davantage. Il vaut mieux pour vous connaître tout de suite ma décision. J'apprécie tout ce que vous m'avez dit. Vous me faites un grand honneur, mais je ne me remarierai jamais. « Oh, ne dites pas cela !» s'écria Newman d'un ton de naïveté touchante tant il était à la fois suppliant et caressant. Madame de Saint-Tré avait déjà fait un pas pour sortir, mais à ce cri, elle s'arrêta sans se retourner cependant. « Réfléchissez, réfléchissez, je vous en conjure, » continua-t-il. « Vous êtes trop jeune, trop belle, trop digne d'être heureuse, d'être aimée. Vous craignez de perdre votre liberté. Votre liberté, ah, c'est un triste esclavage, je vous jure, auprès de la vie que vous aurez avec moi. Vous serez souveraine maîtresse de vos actions. » Où vous voudrez aller dans ce vaste monde, je vous conduirai. Êtes-vous malheureuse? Il me semble que oui. On n'a pas le droit de vous rendre malheureuse. » Madame de Saint-Tré restait là, immobile, détournant toujours la tête, touchée sans doute de l'émotion de Newman, dont la voix était devenue graduellement aussi douce et aussi tendrement persuasive que s'il parlait à un enfant bien-aimé. Elle se retourna enfin vers lui, mais cette fois sans le regarder et, les yeux baissés, répondit en s'efforçant de paraître calme. « J'ai toutes sortes de raisons graves pour ne pas me remarier. Je ne puis vous les expliquer. Quant à mon bonheur, je suis très heureuse. Votre proposition me semble étrange pour bien des motifs que je vous prie de ne pas me demander. Naturellement, vous aviez le droit de la faire. Mais je ne saurais l'accepter, c'est impossible. Ne m'en reparlez jamais, je vous en supplie. Si vous ne pouviez me le promettre, je serais forcé de ne pas vous revoir. Pourquoi est-ce impossible? Vous le croyez peut-être, sans que cela soit réellement. Je ne m'attendais certes pas à vous convertir dès les premiers mots, mais de grâce, réfléchissez, pensez-y quelque temps, et vous changerez d'opinion, j'en suis sûr. Je vous connais à peine, dit Madame de Saint-Tré. Songez combien je vous connais peu. Très peu, c'est vrai. Et c'est pourquoi je ne vous demande pas de réponse aujourd'hui, seulement ne dites pas non. Ne me défendez pas d'espérer. J'attendrai aussi longtemps qu'il vous plaira. Pendant ce temps, nous nous verrons. Vous apprendrez à mieux me connaître. Pensez à moi comme à un mari possible et décidez ensuite. Quelque chose se passait rapidement dans l'esprit de Madame de Saint-Tré. Là, sous les yeux de Newman, elle décidait de son avenir. Du moment que je ne vous prie pas de quitter cette maison pour n'y jamais rentrer, du moment que je vous écoute, je parais vous encourager. Je vous écoutais contre mon jugement. C'est que vous êtes éloquent. Si quelqu'un m'avait dit ce matin que je consentirais à vous considérer comme un mari possible, j'aurais cru avoir affaire à un fou. Et pourtant, vous le voyez, je vous écoute. Elle étendit les mains, puis, avec un geste de faiblesse suppliante, les laissa retomber. Madame de Saint-Tré fit quelques pas dans la chambre et s'arrêta devant une belle azalée toute en fleurs placée dans un vase de porcelaine devant la fenêtre. Elle en arracha une petite branche qu'elle tortillonne fiévreusement entre ses doigts et au bout d'un instant revint s'asseoir en silence, semblant par son attitude encourager Newman à continuer. Pourquoi dites-vous qu'il vous est impossible de vous remarier? Est-ce parce que votre premier mariage a été malheureux? Est-ce parce que votre famille exerce une pression sur vous, se mêle de vos affaires et vous tyrannise? Vous devez être entièrement libre, c'est pour vous un droit. Et si vous en êtes privé, le mariage vous le rendra. Je ne prétends pas dire de mal de votre famille, comprenez-moi bien. Ajouta Newman avec une ardeur qui eût fait sourire un observateur tant soit peu perspicace. « Je respecte vos sentiments, quels qu'ils soient, et ferai de mon mieux pour me rendre agréable à votre mère et à votre frère. Soyez sans inquiétude à cet égard. » Madame de Saint-Tré se leva de nouveau et se rapprocha de la cheminée contre laquelle Newman était appuyé. Toute trace de souffrance et d'embarras avait disparu de son visage. Radieux maintenant de confiance et d'espoir. Elle avait l'air d'une femme qui vient de passer la frontière de l'amitié et qui, jetant les yeux autour d'elle, aperçoit des horizons inattendus. Son regard, si calme d'ordinaire, semblait empreint d'une exaltation à peine contenue. « Je ne refuserai pas de vous recevoir, dit-elle, mais à une condition, nous n'aborderons pas ce sujet de conversation de quelque temps. » Combien de temps? 6 mois. Il me faut une promesse solennelle. Très bien, je vous la promets. Au revoir alors. Elle lui tendit la main. Il la tint un moment dans les siennes, comme s'il avait encore quelque chose à dire, mais il se contenta d'un regard, d'un long regard expressif et sortit. Le soir du même jour, sur le boulevard, il rencontra Valentin de Bellegarde. Après un cordial bonjour. J'ai vu Madame de Saint-Tré il y a quelques heures, dit Newman. Je le sais, j'ai dîné rue de l'université, répondit Bellegarde. et après un instant de silence, il ajouta « Je sais bien que ce ne sont pas là mes affaires, mais que diable avez-vous dit à ma sœur ?»« Oh, ce n'est pas un mystère. Je le répéterai très volontiers. » Je lui ai demandé sa main. « Déjà, Mazette, au fait, c'est vrai. Time is money, comme vous dites en Amérique. Et Madame de Saint-Tré ?»« Elle n'a pas agréé mon offre. » »« Ce n'était pas possible, vous savez. » Mais elle m'a permis de la revoir. Oh, les femmes! Quelles créatures étranges! S'écria le jeune comte, puis, étendant le bras et tenant Newman à distance. Je vous regarde avec respect. Vous avez remporté un véritable succès personnel. Je vous présenterai sous peu à mon frère. Quand vous voudrez, répondit Newman.